qu'un constat, alors comment cerner ce qui est inconstant, inconvenant? Le savoir est encombrant, car il est figé. J'ai fini affligé, niché dans cette tour que j'avais patiemment érigée. Ici les barreaux me protègent et je ne saurais les limer. Car comment s'affranchir de ce que nous sommes? Notre histoire est une somme qui nous guide et nous sommes. Et même l'intuition n'est que la résultante des mécanismes d'un vécu en perpétuelle résurgence. Je ne crois pas que la vérité soit accessible. Vouloir atteindre ses cimes est une quête stérile. Le mental s'empare de toute chose sans se repaître. Maquis, doute, inquiétude en quête de sens et de repère. Si bien que l'on a de cesse de chercher le sens de la vie, mais cette quête perverse affirme que la vie est un sens. Bref, moi je reste perplexe. Dès lors que nos questions sont des leurs, nos réponses nous propulsent dans l'erreur et douleur. Je n'attends rien de nos sens car ils sont torturés. La porte des perceptions est obstruée, obturée. Émotions et pensées sont physiques et chimiques. Ma recherche est cérébrale, elle n'a rien de mystique. Elle est vouée à l'échec car son outil est caduque. Ne laissant que hiatus, vain laïus et calcul. Je n'attends rien de la foi, rien de l'espérance. Combien de fois celle-ci m'éloigna de la présence? Espérer ce n'est pas accepter la situation. L'espoir est une attente, l'attente une frustration. Pris dans les fluctuations, j'ai cherché une réponse. Un dieu, une vérité, un sens, un but, une raison. Façonnant des absolus dans une quête obsessionnelle. Architecture de l'esprit pour des fresques rationnelles. À trop vouloir éclaircir les mystères, ceux-ci s'opacifièrent et se multiplièrent. L'ignorance fut ma seule récompense, fut amère de la défaite et non de l'innocence. Aujourd'hui tel l'airain, insensible et déteint. La lueur impétueuse dans mes yeux s'est éteinte. Démarche hésitante, je suis ce pénitent, cherchant les ténèbres au milieu des brillances.